Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Oui! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du Colin. C'est quoi ça? 23 au 29 janvier 2012, oui. C'est ça, semaine du carnaval. Ben oui, c'est presque fini ce carnaval-là, oui. Colin. Ouais. Ah. Moi, c'est Mathieu Plante. C'est la semaine Raymond Drainville. Ouais, exactement. Pendant tout le long de l'émission, on va avoir justement des mises à jour sur le carnaval qui a lieu en ce moment même pour nous, les gens qui animons le jeudi. Là, si vous écoutez en reprise, c'est déjà fini. Mais on va voir les résultats du quiz C'est Fou, la musique qui a lieu à la Chasse Galerie cet après-midi à partir de 15h30. Oui. Et Jasmine, on peut révéler en exclusivité que tu vas participer à ce quiz-là? Ben oui, je vais essayer. Mais moi, je jure, je promets que je n'ai pas donné réponse à Jasmine, même si elle m'a demandé des milliers de fois. C'est même pas vrai. Mais c'est non. Justine, la semaine passée, qui t'a demandé des réponses. Tricheuse. Oui. Donc, on vous tiendra au courant pendant l'émission. Sinon, aussi, à venir, on va avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Dans lesquels je ne serai pas. Non, c'est vrai, t'étais pas là cette semaine. T'étais pas là hier. On s'en reprendra. Ah oui. On va aussi avoir des nouvelles entrées de Mauve, Cœur de Pirate, de Darcy's et East Road. Mais on débute en 20e place francophone. Avec Malajube et la pièce Radiologie. Oh! 89 FM. dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go. And goals of my life, and keeping my dreams for tomorrow. It's slowly dying, slowly dying. Dark gray clouds, the sun always shines. I've 30 years, long black night. Morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire. Give my mind a ride. Still a long way to go to reach the goals of my life. Keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Still a long way to go to reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Une nouvelle entrée d'information locale, East Road et A Long Way to Go, en 20e position anglophone. Et juste avant ça, du côté franco, il y avait Radiologie de Malajube. Toi, t'aimes bien East Road, hein? C'est pas nouveau pour toi, là? Non. Non, mais je les avais vus cet été au Zénob, puis où je les avais vus aussi. Ben, tu sais, ils sont souvent quand même dans la région, là, donc j'aime beaucoup. Trop fin? Je sais pas, j'y connais pas. Mais ils ont l'air fin, en tout cas, ils sont bien beaux. Non, c'est pratique. Oh, ils sont haut, collés, c'est ça, les filles. Ils sont bien beaux, les gars du groupe. Moi, je trouve ça, j'aime beaucoup. D'accord. Oui. Les gars beaux. J'aime aussi Malajube. OK. Oui. Malajube, oui, bien évidemment, faut spécifier, parce que sinon, quand on fait juste dire ce qu'on aime, c'est comme si on n'aimait pas les autres. C'est pas vrai, ça. Je les aime toutes. Presque. Oui, je les aime toutes. Presque. Bon, donc, on a aimé ce bloc-là. On va entendre d'autres nouvelles entrées tout à l'heure. Mais avant ça, nous, on a besoin, comme ça, dans nos vies, d'un petit peu de bonne humeur, là, tout le temps, plus de bonne humeur. On va se faire des carambles. Oui, des carambles. J'en ai plusieurs, vu que je les ai oubliés la semaine passée. C'est vrai, tu les avais oubliés chez toi. Tu en avais gardé plein. On rappelle aux gens que les carambars, c'est des carambles. Ça vient d'une carambar qui est une barre de bonbons. Trop dur, mais tellement délicieuse. Exactement. Hein? Allons-y. OK, une qu'on comprend pour commencer. Quel fruit porte des sous-vêtements? Quel fruit porte des sous-vêtements? Je sais pas. Les bananes slips. Ah, c'est français, ça. Hein? Parce que les bobettes, c'est des slips. C'est drôle. C'est comme les enfants, c'est des gosses. Hein? C'est ça. Bon. Ça, là, je la comprends pas. Éclairez ma lanterne, quelqu'un, s'il vous plaît. Là, vous venez cogner à la porte pour me donner la réponse. Ça commence mal si tu comprends pas la blague en disant. Quel est l'arbre le plus souple? L'arbre le plus souple? Non, je sais pas. Le poirier. C'est ce qu'on pourrait dire. Comprends-tu? Souple. Le poirier, c'est souple. C'est sûr qu'il y a une blague de Français de France qu'on comprend pas parce qu'on n'est pas des Français de France. Je sais pas, poirier. Moi, je pense juste à Claude, là, on dirait. C'est sûr que j'aime ça. J'aime pas. C'est peut-être le nom d'un gymnaste, quelque chose, quelqu'un de souple. Hein? Ah, ça se peut. Ah, peut-être. Je sais pas. J'irai googler ça tantôt. C'est ça. Oui. si Internet fonctionne. Parle-moi pas d'ordinateur, s'il te plaît. Une autre blague. Il y en a pas d'autres? Ah, ben oui, t'as peu, là. OK. On va toutes les écouler dans un seul bloc, là. C'est pas correct, ça. Attends un petit peu. Elle non plus, je la comprends pas. Bon. Ben, ça doit être... Ben, peut-être, je sais pas. Pourquoi les brebis sont toujours célibataires? Je sais pas. Elles se font envoyer paître. Paître, ouais, ça me semble. Mais j'en dirais je la comprends semi, là. C'est pas clair. Bon, on devrait faire comme dans tout le reste de ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. On va juste abandonner. OK, oui. On abandonne les blagues. Oui. Il nous en reste 3 pour tantôt. D'accord. OK. Faisons comme le capitaine du bateau qui a laissé les gens mourir. Et on... Non, t'as pas vu cette histoire-là, là? Non, ça ressemblait à ça. Okay. Donc, toujours au palmarès, c'est fou. C'était vraiment un succès, là, surprise, cette intervention-là sur des blagues. C'est on blague. Aime beaucoup ça. Hein? On va entendre un bloc de 3 pièces. Il va y avoir Mauve et The Darcy's. Mon début en 19e place francophone. Avec Cœur des Pirates qui nous chante Golden Baby. Elle, c'est vrai qu'elle nous met de bonne humeur. On l'aime. Tellement cute. Oh oui. Cute comme un petit veau, ça. Un quoi, un veau? Une brebis pleine de tattoos. Brebis. Tattoos. Avec une tattoos. Vu d'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire, et briller au regard que j'ignorais. Les tiens comptaient plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte, et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez, de courir te faire désirer, en ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, Garçon, on fait des vrilles pour quelques billes. malin. Tu fais ta vilaine en volant. Le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. C'est vrai qu'elle est bonne. Ouais. Madeleine. Ma préf. Ah, ta préf. Ma préf. Deuxième extrait de l'album Cinéma Plymouth de Mauve. Leur premier extrait est évidemment Annie Hall. Moi, je ne m'étonnerai jamais d'Annie Hall. Hein. Mais moi non plus. Non, de tout l'album. Oui. Tout l'album. Ben, c'est ça. Il va falloir que j'écoute. Oui. C'est un conseil. Pas le choix. Non, c'est une obligation. Avant ça, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu Cœur des pirates qui nous chantait Golden Baby. Oui, et on a sauté par-dessus Bruce Peninsula et la pièce Chupacabra qui descend de 16. 14 places. 14 places. Calcul mental, pas mon fort. Non, un matin, je suis allé me chercher un café. Sans Baileys, bien évidemment, parce que je suis au travail. T'en as pas mis trois dedans, tu sais, non? Non, non, mais non. Deux. Correct. Ouais, pas si bien. Donc, je donne l'argent au gars, le gars me le remet. Puis là, finalement, on se rééchange de l'argent. Il voulait changer 2,5 pour un 10. Fait que là, il me redonne le 10. Puis là, je fais comme, OK, je fais mon portefeuille. Là, il fait comme, t'as oublié un 5. Je fais comme, ah ouais. T'as raison, t'es honnête. Moi, je suis pas un mathématicien. Non, c'est ça. Ouais. Toi, t'es honnête, moi, je suis pas vite-vite. Pas vite-vite. Ça aurait été une meilleure réplique. Quand même, c'est ça. Ouais. Je regrette, je vais repasser à mes répliques de marde toute la journée. Ah, demain, il n'y en aura plus. Non, je sais. Je vais te reprendre demain. Non, mais comment ça fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu l'idée, genre, à chaque semaine de l'année, faire une journée où il y aurait des cafés Baileys pour pas cher? Ça serait une association différente à chaque semaine. Ce serait le fun, surtout que demain, c'est le Tech Fee. J'en aurais besoin. Tech Fee qui est ton test en français pour l'enseignement. Oui. C'est ça? C'est comme la bête noire de tous les enseignants. Ça te stresse pas mal, ça? Hein? Oui. Ouais. Oh. Future enseignante. J'essaie. Ça va le passer, ça va être parfait. Voyons donc. Ben oui. Ça bon stress, disons ça comme ça. Puis tu vas gagner assez fou la musique, puis ta vie va être changée à jamais, tu vas être une vedette de la musique. Je vais vivre heureuse et avoir des milliers d'enfants. C'est ça. Pas des milliers, là, mais quand même. C'est un vrai conte de fées, tout ça. Bon. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Hein. On va sauter par-dessus quelques affaires. Je regarde ça, là, je m'étais dit, sautons par-dessus quelque chose. Et pourquoi ne pas sauter par-dessus les 17e places? Et tant qu'à ça, on pourrait sauter par-dessus les 16e. Sauf celle en anglophone, on va entendre Tom Waits directement. Oh oui! Donc, est-ce que tu veux faire un petit résumé de ce qu'on saute, si t'es capable? Oh, attends, je fais des petites lignes sur ma feuille. C'est difficile un peu, là. OK, prends donc, ton temps, prends ton temps. Nous passons du côté francophone par-dessus les Cowboys fringants. Oui! Et la pièce Has Been, ainsi que les Delaware Chuck. La pièce étant Poche pleine d'or. Ouais! Voilà. En anglophone, on... Attends un petit peu, je suis mêlée dans mes lignes. On passe par-dessus By Your Hand de Los Campesinos. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, on va entendre, comme on disait, en 16e place anglophone, Tom Waits qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Voici Get Lost. I don't wanna feel all cooked up. I feel like I'm on a chain. I got my rounds souped up. We're never coming back again. Time is no mean nothing. Money means even less. Don't bring nothing, baby. You're better than all the rest. I wanna go get lost. It's been that way forever, baby. Ever since we kissed, pull down all the windows and turn up a Wolfman Jack. Please, please, love me tender. Ain't nothing wrong with that. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost. I wanna go get lost, yeah. Without me, baby, I'm never gonna be without you. Topping off and filling with hot tests. Think about it, what you gonna tell your boss. Think about it, what you gonna tell your boss. Think about it, what you gonna tell your boss. Think about it, what you gonna tell your boss. And get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just wanna get, I just wanna get, I just wanna get, I wanna get, I just wanna get, I just wanna get lost, baby. All I know, all I know, all I know, all I know. Si parliamo, se tu parli, ci rialza, finito poi, non perdiamo. Oh mamma mia, lui. Nos perdemos. Opera. I want to get lost. I just want to get lost. Au retour, Benoît Rochelot et Library Voices au Palmarès C'est fou au 89 FM. Yeah! Carnaval, carnaval, palmarès, palmarès. Défi c'est fou, défi c'est fou. Oh oui. C'est bientôt. Bonne chance. Dans une heure. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Prends ton sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Baby, and I C'est une pièce de leur album Summer of Lust. C'était Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. C'est la position numéro 15. Ça monte de 3 places. Jasmine, ça va? Oui, les écouteurs, c'est jamais quelque chose d'évident avec moi. Comment je, ça? Ben, j'étais en train d'écouter un truc dans mon ordinateur pour choisir quelque chose à faire jouer tantôt. Puis là, je mets mes écouteurs quand je vois que tu recommences à parler. Puis je comprenais pas, je t'écoutais pas, mais c'est que mes écouteurs étaient pas pluggés. Ah ben! C'est ça. Ta réponse, hein? Oui, hein? C'est simple des fois dans la vie. C'est hein? Comme ça. T'as pas cherché trop loin. C'est comme ça. Du côté franco, c'était Benoît Rochelot et Vientant qui descendent de 10 places, de la 5e place, donc. Et c'était. Ça fait 6 semaines que c'est là. Et c'est sur son album qui s'appelle aussi Benoît Rochelot. Hein, lui, il sait pas quoi faire la tête sur le, comment nommer son album, là. Ben, les premiers, souvent, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ah oui. Des fois, il y a des groupes qui attendent plus loin dans leur carrière avant de sortir un album homonyme, ça. Ouais. Pas pourquoi. C'est vrai, mais non plus. Non. Ouais. Donc, position numéro 14 du côté anglophone, ce sera de Pac 80 qui monte de 2 places avec Cardinal Rule. Et du comté, oui. C'est ça, du comté. Dans le comté, dans le comté, gagnant dans est... Dans le comté du francophone, ce sera la pièce La Force de la Gravité du groupe Les Surveillantes. Oui. Je trouve ça quand même drôle comme nom. De... C'est le fun. Mais c'est correct. Toi, tu vas être habitué à ça, Les Surveillantes, là, quand tu vas être enseignante, là, ou à quel niveau tu vas être au primaire? Secondaire, moi. Secondaire, ah oui. C'est dans le secondaire. Tu prends un pays, ah ouais. Oui, j'ai l'air d'avoir leur âge. C'est vrai que t'as l'air jeune. J'ai l'air quand même. T'es jeune. Oui. Dans mon premier stage, on me prenait pour une élève. T'ambitionnes un peu. Non, juré. Pas vrai. Juré. J'attendais devant la salle des profs à un moment donné, puis un surveillant qui me dit qu'est-ce que vous faites là. J'attends pour rentrer. Pourquoi? Je suis stagiaire ici. Ah! Il est de plus en plus jeune. Oui, ouais, c'est ça. Ah, oh, ben, Colin, hey, hein? Ben, il fallait bien qu'il finisse par une petite scène. Hein? Bon. C'est ça. En tout cas, Les Surveillantes, La Force de la Gravité, tu me diras ce que t'en penses plus tard. Ben oui. Surtout par le Marais C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Mmh. Et que nous avons à vous offrir, hein? Toi, ah, puis moi. Nous deux? Ben oui. Ah, ben, on vous offre. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité.

The Pacady et Cardinal Rule, ça monte de deux places en 14e position anglophone. Et juste avant, du côté francophone, il y avait Les Surveillantes avec la pièce La Force de la Gravité qui est là depuis deux semaines. Oui. C'est la deuxième semaine, qui est passée de la 19e à la 14e place. Et c'était de la semaine passée, comme tu disais, donc deuxième semaine, ça monte un petit peu, mais pas tant que ça. Un petit peu. Je sais pas. Ça a pas l'air de faire l'unanimité en ce moment pour les animateurs, mais peut-être qu'on va s'habituer. Parce avec que pour nous deux, ça fait l'unanimité, mais... C'est ça. Voilà. Donc, allons-y avec les 13e, sans dire plus de choses là. Du côté anglophone, on va entendre The Jezebels avec Anne Summer qui descend de la 5e place. Du côté franco, Les Vulgaires Machins avec Sans Remède qui passe de la 16e à la 13e place. Et nous, évidemment, pendant ce temps, ce jeudi après-midi, pour les auditeurs qui nous écoutent en direct, il y a le quiz Sifflet la musique qui s'en vient à partir de 15h30. Jasmine est stressée. Je n'ai plus d'ongles à ronger. Ah ben, calme. Tresse les orteils. Non. Je me rends pas. Okay. C'est pas mal assez fou au 89.1 FM. Ni de cœur, ni de Dieu. Et plus jamais besoin de chercher mieux. Plus de guerre à livrer ou même à fuir. Cette terre est tellement plus facile que Dieu. Que les images reviennent. Plus besoin de voix ni de fierté. Haïr est tellement plus facile qu'aimer. Numéro 13. Excuse-moi, Caroline, je pensais pas. J'étais pas supposé revenir. J'étais pas supposé revenir en long. Aujourd'hui, c'est le même que ça se passe, cette émission-là. C'est l'émission stressante de l'année. Pas stressé, moi. Je sais pas pourquoi. Voici Endless Summer de The Jezebels. T'es pas stressé, toi? Non, je suis pas stressé. Voilà, tout rouge. Hein? C'est tout rouge. Il a mis raté. Raté. And in the morning I'll be waiting for your never-ending wait, for our passage to rise. C'est le Jezebels qui termine cette première heure avec Endless Summer, position numéro 13, qui descend de la cinquième place. Voilà, hein? J'ai eu toujours à dire là-dessus. Avant? Les vulgaires machins. Ben oui. Les vulgaires machins avec Sans Remède. Ouais. Qui sont passés, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, je pense, de la 16e à la 13e. Hein? Ouais. C'est ça. Je pense que l'habitude de l'animation commence à entrer. Hein? Hein? Ça commence, oui. Hein? Ouais. On s'en vient pas pire. On vient avec une deuxième heure tantôt et la musique des Breastfeeders, Das, Jane's Addiction et Wilco. Restez avec nous. Il y a une chanson que je vous présenterai. Ah, ta nouvelle chronique. Ben, semble-t-il. Dis-moi ce qu'il y a dans ton iPod. Je sais pas, on y trouvera un nom plus tard. Ouais, là. Bon, on va essayer en tout cas. On va parce essayer. Que c'est pas notre fort de trouver les bons noms de chronique, apparemment. Mais fais-moi bon. Un jeu. Tu me feras un jeu de moi avec ça. Oh, Mathieu défi. Et le vif. Hein? Je sens le sarcasme non. ici à plein nez. Vous êtes assez fous. Bon, tour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 23 au 29 janvier 2012. C'est Jasmine Raymond Raville. Et Mathieu Plante. DJ Jazzy Drain et DJ MP. Le vif Mathieu. Le vif Mathieu. The Vife. The Vife. Ça veut absolument rien dire, ça, The Vife. On trouvera quelque chose d'autre. Donc, cette deuxième heure débute avec les positions numéro 12. Du côté anglophone, on va entendre Jane's Addiction et Underground qui restent stables. Et du côté francophone, les Breastfeeders avec Manteau de froid qui passe de la 20e à la 12e. Et après ça, c'est la nouvelle chronique de Jasmine Raymond-Réville. Qui n'a pas encore de nom. À déterminer plus tard. Voilà. Glass. numéro 12. I try and find some love for my pride that just ain't enough to go around. Underground de Jane's Addiction, c'est tellement bon sur l'album The Great Escape Artist, ça reste stable en 12e position anglophone. Et juste avant, c'était les Breastfeeders avec Manteau de froid qui a monté 8 places. Genre, mettons place. Vers le haut. Comme, ouais, c'est ça. Mettons. Je cherchais justement le verbe employé, puis c'est ça, la 20e à 12e. Future professeuse en passant, c'est ça. C'est ça. Oui. Bon. J'essayais d'expliquer d'ailleurs à Mathieu entre c'est les deux chansons. Non, mais ça, on n'abordera même pas le sujet. Les verbes intransitifs et les verbes transitifs, puis c'est pas clair. Je pense que je te permettrai même pas de l'enseigner dans ta chronique linguistique. Parce non, c'est, juste... c'est trop compliqué. C'est pas. Faut qu'on puisse le voir par écrit. Ça, c'est incompréhensible. Donc, tout à l'heure, on entendra Das et Wilco en 11e place. Mais avant ça, c'est la toute nouvelle chronique de Jasmine Raymond-Réville dans Les Pas-mères assez fous. Voici. Mettons, inventons un titre. Dis-moi ce qu'il y a dans ton iPod. Dis-moi ce qu'il y a dans ton iPod. Tu m'as dit, c'est le bon, c'est ça? C'est... Ah oui, j'aime ça. On travaillera ça, OK? Ouais. Claque des doigts pendant ça. De la misère. Hein? C'est difficile. OK, donc... C'est quand même long, hein, c'est ça, on l'écoutera pas jusqu'à la fin. Savoir quand embarquer sur cette musique-là. Donc, dis-moi ce que dans ton iPod m'a dit, c'est bon. C'est ça. C'est ta nouvelle chronique. Oui, on savait pas avant aujourd'hui qu'il allait avoir une chronique, hein? On a décidé ça 10 minutes après le début de l'émission. La semaine passée, je reconduisais Mathieu à sa nouvelle demeure, hein, après les palmarès. Hein? Puis il regardait mes disques, il disait « Crime, tu pourrais faire comme Justine ». Une semaine sur deux. Une chanson. Parce que Justine Renaud, la chroniqueuse musicale dans ses tartines de Justine, est là une semaine sur deux. Une tartine aux deux semaines, c'est parce qu'on a faim entre les deux, tu sais. Un petit peu crève faim. C'est ça. Donc, je me suis dit, crime, je vais faire ça. C'est ça. Puis en plus, Justine, Jasmine, deux noms qui se ressemblent beaucoup trop. Mais moi, c'est pas des tartines, ça pourrait être des. Moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Les bines de Justine. Jasmine, hey, tu vois? Non, c'est poche, j'aime pas ça. C'est bon, les bines, là, mais... Ça bof, fait... Bof, comme collation. Des remous. T'as mieux une torsion de calme. Bon, hein? C'est ça. Attendons-nous pas trop sur ces détails-là. C'est ça. De quoi tu nous parles, Jean? Donc, là, j'ai choisi ça en vitesse, mais tantôt, en m'en venant... dans ma Racing Echo avec un aileron. Aussi en vitesse. J'écoutais, c'est pas nouveau en fait, mais c'est Beach House, qui est un groupe duo composé d'une de demoiselle. Et d'une maison. T'en plein ça. Et d'un zèbre, étant donné qu'ils ont un album qui s'appelle Zebra. Fascinant. Mais c'est pas cet album-là en fait, je me suis trompée. Quel lien intéressant. Ouais. Bref, là, j'ai pas préparé grand-chose en fait, étant donné que je savais pas avant aujourd'hui que j'allais. Bon, coudonc, elle est donc bien torturée, cette fille-là. Elle sonne comme si je l'avais forcée à faire une chronique. Mais non, ça me tente, c'est super bon, j'aime vraiment ça. Bref, la chanson s'appelle Used to Be. C'est sur l'album Teen Dream, qui est leur dernier album paru en 2010. Donc, ils en ont plusieurs à leur actif. C'est le cinquième ou le quatrième ou cinquième, là, quelque chose de même. Le groupe slash duo, groupe barre oblique, devrais-je dire, duo, s'est formé en 2006. La fille vient de Paris et lui vient de Baltimore. Okay. Ils se sont rencontrés là. Puis voilà, ils ont été en fait remarqués par le site Pitchfork. Ben oui, la référence qu'on connaît musicale. Tous, c'est ça. C'est ça, ils ont été repérés un peu par ces sites-là. Puis c'est depuis ce... Aussi, quelque chose est dit par Pitchfork, c'est comme si c'était tout la monde vie. C'est ça, tout le monde a comme pas le choix. C'est comme Dieu. C'est ça. C'est Dieu. Dieu le dit, puis Dieu on l'écoute. Fait qu'on, c'est ça. Sans commentaire, hein? Voilà. C'est hein? Ça. Non, mais ouais, OK. Moi, ouais, c'est ça. Bof. Tu comprends le bof, bof. Fait que c'est ça, dans le fond. Dans le fond, c'est ça c'est finit facile de voir. Non, mais j'aurais préparé quelque chose de plus... OK, ben gars, parlant de la pièce, tu trouves d'autres affaires, mais non? À dire? Cool. Ben honnêtement, c'est parce qu'ils sont quand même nouveaux, tu sais. Ouais. C'est ça. Ouais, on va juste... Mais tu sais, en tout cas, c'est super bon. La fille a vraiment une voix particulière, une voix très grave, qui sort de l'ordinaire de ce qu'on entend habituellement. D'accord, j'étais hâte d'entendre cette pièce-là. Je connais un petit peu Beach House. On a joué quelques fois à Sandage Rocky, mais pas celle-là. OK. Hâte de l'entendre. Allons-y. Bon. Allons-y. Used to be. Yeah. Beach House. Ouais. 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou dans la chronique, là. iPod. C'est ça. iPod Touch-moi à quelque part, là. C'est hein? Ça. Non, c'est pas iPod, ça. iPod. Faut trouver de quoi avec pomme, tu sais. Pomme. Et ça commence. You are coming home. Are you still? Just Quand tu veux. Hey, ben, c'était Beach House. Ben oui. Tu aimais ça? Ben, j'ai adoré ça. C'était très bon. On claque des doigts encore. C'était dans les bins. Mais là, on a peut-être trouvé le mot pomme à exploiter, étant donné pour ton qu'il iPod. Est, pour mon iPod, qui feu iPod, hein, il est mort. Oui, rendons-lui hommage avec un instant de silence. C'est assez, hein? C'est ça. C'est pas si triste que ça, dans le fond. Non. Là, il a fait son temps. 3 ans. À jouer quasiment 10 heures par jour. Hein? Ah, pour vrai? Parce que chez nous, je le plug dans mes speakers. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, ben c'est bien ça. Hein? Ben ça dure longtemps. Je serais dû pour un autre. Ouais. C'est ça. Donc, c'est Beach House. Je le rappelle, qui est un qu'un. Allez, je vais recommencer ma phrase, OK? Go! Ouais. Bref, Beach House, un duo, une fille, un garçon. Voilà, elle chante grave, il le joue du clavier, elle joue de la guitare et tout. Bon. On aime ça. Parfait. Ça. Bon, mais on refait cette chronique-là dans 2 semaines. Mais qui va être plus préparé parce que je vais le savoir d'avance. On va faire une petite biographie plus étoffée un peu là, pour le prochain article. C'est Mitra Justine qui fait ses tartines avec une biographie des plus remplies. On aime ça. Ben oui. C'est bien. Ben oui. Oui. C'est comme la collation entre les deux tartines, là, moi, voilà. Que je fais. Il faut bien remplir son ventre d'une façon ou d'une autre. Oui. Hein? Et ses oreilles. Bientôt, nous la remplirons avec le quiz C'est fou la musique. Ça se passe derrière nous à la Chasse-Galerie dans quelques minutes. Ça va commencer à 15h30 environ. Là, il est 15h13 pour les auditeurs du jeudi. Oui. Et Jasmine, on rappelle, va participer à ce quiz-là. Et on va avoir des mises à jour pendant le quiz en direct avec notre reporter sur la scène, sur la route, sur le terrain. 10 mètres plus loin. Environ. Pas mal ça. Je pourrais y toucher s'il n'y a pas un mur, t'sais. Mais mur il y a, donc tu ne peux point. Et il n'y a pas de désir de leur côté non plus. C'est ça. Ah, d'accord. On continue. On est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, ce sera Wilco avec Dawn on Me qui monte de 6 places. Et du côté francophone, ce sera Das avec Armée qui redescend. Ah non. Ça retourne en 11e place. Ah ça c'est triste par contre. Il était en 6e la semaine passée. C'est triste pour se remonter le moral, on reclaque des doigts encore un peu. Ça monte tranquillement. Bon, ça va faire. Hein? Ok. C'est bon. Armée d'un seul bout. L'armée par les bruits d'épée. Il se défend, mais c'est en vain. Il n'a pas de pouvoir divin. J'ai connu cet homme au grand rêve. Je dois maintenant prendre sa relève. C'est un homme avec un secret, celui qu'on écrit à la craie. Armé d'un rêve. Armé d'un rêve. Armé d'un rêve. Par les chevaliers, c'est sûrement sa dernière bataille. C'est certain, il n'est pas de taille. J'ai connu cet homme au grand rêve. Je dois maintenant prendre sa relève. Mort avec son secret hier soir. Et sacré, envolé en poussière noire. Armé d'un rêve. Armé d'un rêve.

Wilco et Dawned on Me, position numéro 11, ça monte de 6 places du côté anglophone. Et avant ça, on a entendu du côté franco, Das et Armée, qui descendent de la 6e place sur l'album Armée d'un rêve. Vous aurez remarqué que Jasmine Raymond-Dreville n'est plus avec moi. Pourquoi? Ben parce qu'elle est derrière moi, pas dans ce sens-là, mais en arrière, à Chasse-Galerie, pour le quiz de C'est fou la musique. Il y a tout plein de gens de C'est fou qui tournent autour de ça depuis des mois. Et là, c'est enfin aujourd'hui. Ça commence dans quelques minutes à peine, vers les 15h30, à Chasse-Galerie de l'EQTR. Pour les gens qui nous écoutent en direct le jeudi, et on va vous tenir au courant avec les résultats tout au long de l'émission jusqu'à 16h30 environ. Ça devrait être la fin du défi. Et l'émission se termine à 17h. Donc, on va avoir le temps. On va avoir aussi le temps d'écouter les instants classiques d'Assemblage requis. Une fois que tout le monde sera revenu, Jasmine et Justine vont être avec nous d'ici la fin de l'émission. Donc, on va entendre les 11e place, 10e place, comme je viens de dire tantôt. Là. Du côté anglo, c'est Steve Hill avec It Ain't Cool qui est stable. Mais on débute avec Bravo Funkin et Zombies. Ça monte d'une place. Simple de même. Au 89.1 FM, c'est des palmarès. C'est fou. Un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Retour, Steve Hill, Duchess 16, Funambule et Carquois. Bon, les palmarès, c'est fou, 89 FM. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Numéro 10. It ain't cool. Ooh, ooh, ooh. It ain't cool. It ain't cool. Ooh, ooh, ooh. It ain't cool. Oh. Every time you look. Steve-Hill et It Ain't Cool en position numéro 10, ça reste stable. Et avant ça, en francophone, c'était Bravo Funkin et les Zombies qui montent d'une place sur leur maxi cœur Rubik. Les choses avancent très bien et j'ai entendu dire, pour ceux qui écoutent le jeudi évidemment, que le quiz C'est fou la musique commence dans quelques secondes. Si c'est pas déjà commencé, c'est en train. Là. Donc rendez-vous à la chasse galerie le plus rapidement possible. Du côté des 9e places en anglophone, ce sera Duchess 16. Mais on débute avec Funambule. Voici Tel un naufrage qui descend de 2 places. Au 89 FM, c'est les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Pas rien qu'un slogan, je le répète encore une fois. La vérité. Start! La 9e position anglophone, Duchess et Time to Reiterate. Et en franco, Stéphane en bulle avec tel un naufrage qui descend de 2 places au palmarès C'est fou. On est rendu au 8e place. Le temps de vous dire que là, c'est vrai, c'est commencé. Le quiz C'est fou, la musique a lieu à la Chasse Galerie. Je sais que je mentionne beaucoup et c'est dommage pour les gens qui n'écoutent pas le jeudi, mais quand même, c'est une activité importante. C'est dans le cadre du Carnaval étudiant 2012, même à l'UQTR. Donc, on est rendu au 8e place du côté anglo, c'est Ox avec Indie Rock Radio Nation qui descend de 5 places. Mais on débute avec Carquois qui, de leur côté, monte de la 15e place. Voici La Vague Perdue. Sur C'est fou. Dans vos oreilles. Ah, laissez-vous emporter par Carquois. Ouais, facile, hein? numéro 8. Are you gonna grow your hair? Move out of your shitty apartment? Are you gonna sell your car? Give up all the old attachments? Are you gonna leave your girl? Zeppelin album, get out on the open road, see all the world's attraction. Is it on the rock and roll for the indie rock radio nation? Radio Nation par Hawks, 8e position anglophone, ça descend de 5 places, 7e semaine de présence, et avant entendu Carquois avec La Vague perdue qui monte un peu quand même de la 15e place à la 8e. C'est un extrait du film La peur de l'eau qui est à l'affiche bientôt, je crois que c'est en février. J'ai vu les bandes annonces, ça a l'air vraiment bon. Donc on est rendu au 7e place du côté anglo de Decemberists avec E. Watson, c'est l'ancien numéro 1, malheureusement ça a chuté de 6 places. Du côté franco, on débute avec les Oulala qui descendent de la 3e place. Voici Tudose. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Le stress de la vie peut vous faire chez flanc. Faut prendre avec un grain de sel et rester béant. T'as méfié dans le parc à l'abri des regards. Un flic t'a aperçu derrière au hangar. Tu doses mon frère, t'en es très fier. Tu doses mon frère dans la portière. Tu doses mon frère, t'en es très fier. Tu doses mon frère. Oh oh oh oh oh oh. Et voilà la chopée, oh, disons demi-tard. T'as essayé de parler mais il était trop tard. T'as appris à compter mais pas dans les cahiers. La seringue et la ceinture, t'es vraiment dépravé. Tu doses mon frère, t'en es très fier. Tu doses mon frère, dans la portière. Tu doses mon frère, t'en es très fier. Tu doses mon frère. numéro 7. The air all painted pallor gray, the storm was coming in. Folks were lining out in all directions. Me and Hood and Henry Short were pitching on the skiff, trying to make it home before the night. And the gray waves were rolling, bowled the brave, brave ocean and rolled us suckers in. I don't keep to goings on, I tend to stick with kin. But Watson had an inn from the beginning. Built that house on Chatham Bend, a whitewashed knotted pine. 90 acres furrowed for the cane. He drove it down from Georgia. His dad, a martyred soldier in the war. Lord, bring down the flood. Wash away the blood. Drown these Everglades and put us in our place. We laid Edgar Watson in his grave. We laid him in his grave. Till I'm dust, I'll never know why he came ashore with all those killers gathered on the shoreline, kicking holes in ugly mud and trigger fingers pinched. Racer rifles bristled in the wind, and we towed his body northbound, buried him all face down with a good view into hell. Lord, bring down the flood. With blood, drown these Everglades and put us in our place. We laid Edgar Watson in his grave. We laid him in his grave. We laid him in his grave. We laid him in his grave. E. Watson de la formation de Decemberists, les anciens numéro 1 maintenant en 7e place du côté anglophone sur l'album Long Live the King. Et avant ça, on a entendu du côté franco les Oulala avec Tu doses qui descend de la 3e place. C'est sur l'album Plantation Urbaine. Dans quelques minutes, dans la 3e et dernière heure des Palmarès C'est fou, on aura nos dernières mises à jour du quiz C'est fou la musique qui a lieu à la Chasse Galerie en ce moment même jeudi en direct. Il est 15h53 et ça, c'est chaud. J'ai entendu plein de bonnes affaires, plein de bons extraits et des gens se fourvoyer et des erreurs tellement évidentes. Donc, on en parle tantôt avec notre reporter en direct sur le terrain. Restez là, c'est les Palmarès, c'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bon, retour sur la 3e et dernière heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 23 au 29 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante, bien évidemment. Hein? On s'est quitté tantôt avec les positions numéro 7. Les 6e s'en viennent, Monogrenade et The Kooks. Ça va être très, très bon. J'ai très hâte d'entendre ça. Mais avant de passer à ces 6e positions, on va rejoindre notre reporter en direct sur le terrain, en direct de la Chasse-Galerie juste derrière moi. Évidemment, c'est celui qu'on appelle Mathieu Plante. Bonjour, Mathieu. Ah oui, Je pense que ça a fait un beau petit son. Je pense qu'on s'attendait à ça. Donc oui, les résultats en ce moment du carnaval. On parle de BES, qui est le BAC, l'Association des étudiants au baccalauréat en enseignement au secondaire de l'UQTR. Et on parle aussi de la SAP qui sera en demi-finale, c'est-à-dire ceux d'Éduc et de Kiné. Voilà, c'est ça. Puis je pense que je vais raccrocher pour faire un autre beau petit bruit de micro. Hein? Ça a l'air vrai, hein? Je t'en dirai. Ça. Ouais. Ça va? Oui. Désolé pour tantôt. Super. Belle gaffe. Super. Donc, oui, Mathieu Plante, qui est en direct de la Chasse Galerie. Donc, on s'en va entendre les sixième places du côté anglophone. Ce sera The Cooks avec Jock of the Heart. Happy, qui monte de 3 places, mais avant ça, voici Simon Grenade et De toute façon, qui monte de 6. Ah. Je pense que j'en fais plus ça. Hein, ça. Make you feel alive. Let me make you happy. life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time missing on you. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. The wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. The Cooks, c'est Junk of the Heart, Happy, en parenthèse, ça monte de 3 places en 6e anglophone et en 6e en franco, ça montait de 6 places. Monogrenade est de toute façon sur l'album Tantal. Oui, on en est dans le top 5 déjà. Il nous reste encore 55 minutes environ à l'émission. Plus tard, je vous rappelle qu'il y a un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. On va aussi avoir de retour du quiz C'est fou la musique derrière moi à la Chasse Galerie en ce moment le jeudi. Jasmine et Justine, nos deux célèbres chroniqueuses et co-animatrices, donc elles seront avec moi d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, 5e anglo, Nans and Nat avec Huntington qui monte de 2 places. On débute avec Salomé Leclerc et lancé numéro 1 ne revient pas. Ça, c'est fou. C'est les palmarès. T'as qu'à ne pas te tourner. Tu me verras jamais ramper. Qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond. Yeah. Salomé Leclerc et la pièce ne revient pas. C'est la position numéro 5, l'ancien numéro 1 francophone. Et avant de continuer avec la position anglophone, c'est-à-dire Nans and Nat, on reçoit notre très très bonne amie Anne-Julie Durocher qui fait la chronique en GEQTR d'Assemblage Requis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Je suis en train de te faire tout manquer, là. C'est fou la musique derrière moi. Oui, je suis un peu triste. Ben oui, c'est ça. Mais je voulais savoir ce que t'en pensais, ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, déroulement de tout ça. Ben c'est super le fun. Pour vrai, je suis vraiment impressionnée. Le monde sont bons, ils sont au courant de la musique. Ouais. Ils m'impressionnent. Même les gens qui n'ont pas une chronique ou. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont des émissions assez fous qui sont là. Ça aide, hein? Oui, oui, ça aide. Ça aide pas mal. Donc, j'ai entendu dire que les gens qui passaient à la demi-finale sont la BES et le ASAP. Oui, ASAP, éducation physique. Oui, et kinésiologie. Oui, c'est ça, quelque chose de même, là, en tout cas. BES, c'est le bac en enseignement. Ouais. Enseignement, éducation physique et kinésiologie, et en tout cas, ben, des affaires. Plein de choses, plein de choses. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme extraits musicaux? J'ai entendu du Vampire Weekend, Vincent Vallière. Oui, il y avait aussi des questions avec des images d'artistes ou des pochettes d'albums. On a vu Radio Radio, Mr. Valère. Jean Leloup. Oui, Jean Leloup, Gorillaz. Oui. On a eu une coupe. Puis on avait aussi des questions à développement. OK. Genre, il faisait la description d'un instrument de musique. Il fallait qu'il devine c'est lequel ça. Ça a l'air plus facile, mais en vrai, c'est plus gros, plus dur. Les vraies questions. Oui, c'est pas mal plus dur. Il faut qu'il réfléchisse un peu plus, mais ça rend la chose intéressante. Ça a marché. Oui, puis la foule participe bien aussi. La foule est motivée. Puis c'est ça. Puis là, le deuxième tour vient de finir. Là. Il y a aussi histoire et langue et littérature aussi qui se rendent en demi-finale. OK, parfait. Tant mieux. Donc, c'est super. Ça, super. On va suivre ça tantôt. Les finales s'en viennent. On va voir qui va gagner à la fin de ce défi-là. Comment ça fonctionne pour les points? Je sais que c'est les points de C'est fou la musique vont être comptabilisés pour donner des points carnaval à la fin aux équipes qui gagnent. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Puis en fait, plus loin tu te rends, plus t'as de points, plus t'as de points pour le carnaval. Donc, c'est logique. Hein? Mais oui. Quand même. Je te laisse retourner visionner ce superbe défi C'est fou la musique. Ouais. Puis je viendrai vous parler de la finale plus tard. Parfait. Et merci beaucoup à Julie Durocher de la GEQTR. À tout à l'heure. Ben oui. Nous, on continue avec les prochaines positions, c'est-à-dire les quatrièmes en anglo, ce sera The Cat Empire, mais on débute avec le côté francophone, c'est-à-dire Galaxy, une pièce de leur album Tigre et Diesel. Ça s'appelle Mélodie Mécanique et je ne peux plus compter les extraits de cet album de Galaxy qu'on épuise ici à C'est fou. Ben, c'est parce que c'est bon, à un moment donné, on n'invente pas les affaires, là. On n'invente pas la roue. On prend juste la bonne musique. Ben, c'est ça, puis après, on met ça dans un quiz. Ben ouais. Année. C'est juste pour ça qu'on fait un palmarès. C'est fou, ça paraît pas, mais c'est pour le quiz. Et la musique joue dans nos pas. The Cat Empire sur l'album Cinema. Position numéro 4, ça monte de 11 places. Et en franco, c'était Galaxy avec Mélodie Mécanique qui monte de 6 places. Tout à l'heure, on a parlé avec Anne-Julie Durocher de la GEQTR du quiz C'est fou la musique qui est en ce moment à la Chasse Galerie pour ceux qui nous écoutent le jeudi. Je viens d'entendre du Radiohead jouer dans le quiz. Génial, ça a été découvert ça après 2 secondes. C'est génial. Et puis, c'est ça, on va en parler plus tard dans ce quiz-là. Jasmine et Justine vont être de retour avec moi. La raison que j'en parle là, c'est qu'avant Anne-Julie, on était supposé entendre le numéro 5 anglo et je ne l'ai pas fait jouer, donc je vous le fais jouer là. C'est Nans and Nat qui monte de 2 places. Tout le monde aime cette pièce-là. Voici Huntington au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Like hunting time. Nanzanette avec un Huntington, c'est la position numéro 5, ça monte de 2 places. Voilà pour ce bloc-là. On va passer aux troisième positions dans quelques secondes. Le temps de vous dire que je viens d'entendre du côté du quiz C'est fou la musique, évidemment, dont on parle depuis le début de l'émission et dont on n'arrêtera pas jusqu'à la fin, c'est dommage, mais c'est bon, c'est comme ça. La ronde 4 vient de commencer, donc on va vous tenir au courant de ce qui se passe, mais après ça, ça va devenir de plus en plus difficile, les demi-finales, les finales qui s'en viennent au quiz C'est fou la musique à la Chasse-Galerie en direct le jeudi, les 16h21 environ. Côté position numéro 3 en anglophone, ce sera Astro avec The Choke qui monte de la 11e place, mais on débute en franco avec On a créé un monstre et le morceau 5.0 qui monte de 5 places. 5.0 plus 5.0, mettons. Si on veut compter comme il faut. Le volume de ma radio trop fort. À qui retour, Austria, The Bar Brothers, Le Grand Nord et les positions numéro 1, c'est les palmarès, c'est fou, au 89 FM. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 Numéro 3. Australia, la pièce The Choke, position numéro 3 qui monte de la 11e place. Et en franco, c'était On a créé un monstre et 5.0 qui monte de 5 places sur l'album L'Iceberg. J'arrive encore une fois du carnaval étudiant. Je suis à côté de la chasse-galerie. C'est le quiz C'est fou la musique qui commence à achever. Là. Ça va être, je crois, les demi-finales en ce moment. Puis après ça, ça va être la finale. Après ça, ça va être terminé J'ai entendu dire que Jasmine s'en va en finale parce qu'elle m'a dit je serai pas là pour le reste de l'émission. J'essaie de la convaincre, ou en tout cas essayer de voir si avec le temps ça peut fitter la ramener au moins et avoir son compte rendu d'après match. Hein. Quand même, c'est important. Et Justine Renaud, je sais pas encore si elle s'est pas éliminée. Elle doit au moins regarder. Je pense qu'elle était encore à la table en train d'avoir de la misère avec une question sur The Darkness il y a quelques minutes. Il a fallu que l'animateur Alexandre Aramis Wiki lui fasse un indice genre hein, c'est dans le noir, on est dans le noir avec ça. Non, ça a pas marché. C'était The Darkness. Bon. Donc, position numéro 2, allons-y. Du côté anglophone, c'est The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart qui monte de 6 places, mais tout de suite, voici le Grand Nord qui monte de 2. Fille de feu est le nom de la pièce. Au palmarès, c'est fou. Au 89 printemps. Dur de croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits sans dormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête la fille de feu brûlera ton cœur. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux même, tu t'en veux même. C'était The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart, position numéro 2 qui monte de 6 places du côté anglophone. Et avant ça, c'était Le Grand Nord avec Fille de Feu qui monte de 2 places sur leur album qui s'appelle aussi Le Grand Nord. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Je reviens encore une fois du carnaval étudiant, je suis derrière de moi, la chasse galerie, c'est le quiz, le défi, c'est fou la musique. Et les choses commencent à vraiment se corser, ça commence à être difficile. On est rendu en demi-finale numéro 1 de je crois 2, je crois. Après ça, il va y avoir la finale, évidemment. Le quiz était supposé se terminer à 16h30. Il est 16h42 en ce moment. Donc, vraiment, le temps file à toute vitesse et les questions sont de plus en plus difficiles. Gatineau était un des extraits qu'on a entendu tantôt. Personne ne l'a eu. Quelqu'un l'a eu, quelqu'un que je connais pas, qui l'a eu à la toute fin quand on a donné l'indice que c'était une ville. Là, ça a allumé comme, oups, Gatineau. Il y a aussi eu une pièce de Caillouche en demi-finale. Difficile. Moi, je l'aurais pas eu, Caillouche. Je l'aurais vraiment pas eu ça. Donc, il nous reste seulement les numéros 1 à entendre au palmarès c'est fou en anglophone. J'oubliais, c'est le moment des jeux de mots poche, mais j'ai personne avec qui les faire. Aujourd'hui, Justine Renaud et Jasmine Raymond-Drainville, mes deux co-animatrices, chroniqueuses, etc., sont à travers dans C'est fou la musique. Donc, je vais les faire tout seul et vous allez devoir les comprendre parce que je veux. À un moment donné, c'est pas, tu sais, j'en lance beaucoup des jeux de mots. J'étire comme ça, j'étire avec un genre de canon à jeux de mots, là. Ça s'en va, là, dans le lointain, en haut de la Terre, jusque dans la Lune, les étoiles. Là, c'est comme une affaire astrologique, là, cette affaire-là, tellement ça va loin. Et ça laisse les gens complètement indifférents partout. Indifférents ou encore sur une face complètement blême. Donc, c'était comme de l'astro-blême. Hein? C'était pas très, très drôle. Ça a pas beaucoup provoqué des rires. Des rires. Hein, bon. Du côté anglophone, même si j'ai beau essayer de les expliquer, pour essayer de les rendre drôles, j'essaie de construire une espèce de construction, comme tu sais, pour mettre ça dans la face du monde, c'est construire une joke autour de ça, ça se fait détruire complètement parce que je reconstruis, tu sais, build, destroy, rebuild. Puis j'ai pas vraiment de jeu de mots à faire avec Hani El Khatib, ben honnêtement. C'est pas mon genre de truc de trouver des mots à citer avec ça. Attends un peu. Hani Kouni Shawani. Non, j'en ai pas. Donc, on va entendre du côté anglophone Hani El Khatib avec Build the Destroy Rebuild. On commence avec Marc Derry. Voici l'Astro Blame. C'est dur. Il y a des semaines de même. Hein. C'est comme une demi-finale. C'est la musique. C'est dur. Regardez-moi ce ciel. On n'a rien vu de si beau. Depuis facilement l'année zéro. La terre est encore belle, encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien, il y a tout ce qu'il faut. Quand il dort, y a un nouveau soleil, une autre constellation, y a plein de nouvelles idées qui s'éveillent. Mais au creux de l'astro blême, Position. Position numéro 1 des palmarès C'est fou cette semaine. Avant de dire les numéros, on va faire un petit récapitulatif. En troisième place anglophone, c'était Ostra avec The Choke. En deuxième, The Bar Brothers avec Give the Devil Back His Heart. Et on vient d'entendre Hani El-Khatib en première place avec Build, Destroy, Rebuild. qui monte d'une place sur l'album Will the Guns Come Out. En troisième franco, c'était On a créé un monstre avec 5.0 qui montait de 5 places. En deuxième, ça monte de Deux filles de feu du Grand Nord. Et en première place, ça monte d'une L'Astroblème de Marc Derry sur l'album numéro 4. Voilà pour les palmarès C'est fou. En passant, le quiz C'est fou la musique se termine là très bientôt. On est en finale numéro 2. De 2, évidemment. Donc, on va pouvoir couronner le gagnant et on va savoir c'est qui très bientôt, alors que Justine Renaud et Jasmine Raymond-Dréville me rejoindront de nouveau, comme ça, en studio, ici même, à la côté de la Chasse-Galerie. Mais on a le temps pour l'instant et on va défoncer un petit peu, bien évidemment, à cause de tout ça. Mais bref, on va aller entendre des pièces qu'on a sautées tout à l'heure du côté de la 16e position francophone. On a raté tantôt les Delaware Chuck avec Posh Blender et les Delaware Chuck ont figuré au quiz C'est fou la musique avec leur pièce Delaware Chuck et ça a été deviné. Donc, félicitations à quelqu'un qu'on connaît pas encore une fois. Il n'y a pas que des gens qui tournent autour de C'est fou qui participent à ça. Quoique, il devrait peut-être, hein. Peut-être s'il connaît la musique, viens donc animer à C'est fou. C'est un peu le but de la chose. Donc, Delaware Chuck, Poche pleine d'or, 89.1 FM. Bendard des gentils gens, des Delaware Chuck au palmarès C'est fou. Petite mise à jour sur le quiz C'est fou la musique qui se termine là très bientôt. Justine Renaud vient de passer en studio pour me dire qu'elle a été éliminée malheureusement. Elle a participé à tout plein de rondes, les questions elle les avait toutes, les réponses étaient là dans sa bouche, elle les sortait, ça allait super bien. Mais une fois arrivée en finale, elle s'est fait clencher. Je sais que Simon Fitzbay et Jasmine Raymond-Dréville sont toujours in the running dans le quiz C'est fou la musique, ainsi que deux autres personnes, je crois, mais que je ne connais pas, que j'ai hâte de connaître, hein, les fans de musique et les fans de C'est fou, c'est très très bien. Donc, il nous reste encore les Cowboys Fringants à aller entendre. Eux aussi étaient dans le quiz C'est fou la musique tout à l'heure. Les voici avec Has-Been, stable en 17e place. Au palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est vrai qu'on a pris du poids, puis qu'on joue des soupes et spaghettis. Est-ce que tu veux? les bassesses. Quand tu payes, puis que la bière est gratuite, ben nous autres, on va entrer chanter nos vieux et on est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. Oui, c'est vrai qu'on est des vieux cons, mais on va te faire des bons shows. Y'a rien qui ira plus que les autres, des festivals. Des barbottes, puis on pop l'oxygène à l'entraque. Et pendant qu'on joue tout d'automne, on fait semblant qu'on a du fun. Qu'est-ce qu'on fait pas pour le spectacle? Et si on bouge plus à être des groupies, c'est pas parce qu'on en a pas envie. C'est juste que les jolies demoiselles, ben faut dire, ça se bouscule plus devant notre hôtel. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. C'est vrai qu'on est des vieilles cons, mais on va te donner un bon show. Y'a rien qui ira plus que les autres, un festival. Pour un mariage, un rodéo, une foire ou un party de bureau, on se déplace où on n'a plus d'orgueil. Et pour ceux qui peuvent plus nous blairer, vous êtes bien plus de vous faire à l'idée. On s'est battu pour se faire un nom jusqu'à la dernière route. On va presser le citron. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. Deux pièces qu'on avait sautées plus tôt dans l'émission, ça c'était... Oui, les Cowboys Fringants avec Has-been en 17e place stable et en 16e, on a entendu les Delaware Chuck avec Poche pleine d'or. Jasmine Raymond-Réville vient de revenir. Je suis là! Ça veut dire que t'as été éliminée. Oui! C'est déprimant. Contre qui, évidemment? Il y avait Simon Fitzbé, il y avait le gars de Matinfo. Okay. C'est eux autres qui sont passés en finale. Ok. Marie-Pierre Lafourche-Bourret, je l'ai vu tantôt, non? Là, elle est en finale. Elle est en finale. Ouais. Parfait. Ben, les rondes, c'est... sont toutes, soit que tu sais toutes les réponses, soit que tu sais pas pendant tout. Ben, c'est ça. Rendu en finale, on s'entend que le principe est différent. Ouais. Donc, on a, là, en ce moment, c'est la ronde des remixes. Donc, il y a des versions musique de jeux vidéo de certaines pièces, dont il y avait les Beach Boys. Mais là, Simon Fitzbé, essayer de trouver c'était qui l'artiste qui faisait le remix. C'est sûr que tu trouveras jamais qui va faire le remix, là. C'est sûr. Il savait pas qu'il nomme les Beach Boys. Je pense que je vais écouter plus de musique. Je suis un peu déçu de ma performance. Ouais, c'est ça. C'est triste, hein. Sur quoi tu t'es enfargé le plus? Les grosses musiques de bruit qui crient. Ok, comme. C'est ça. Ben, non, t'es apporté nu, hein. Dutch 16, des trucs comme ça. Il y avait des affaires ça, j'ai connu un peu, okay. Ça va, là, mais. Je suis déçu. N'en parlons plus. Non, Colin. J'ai ma défaite sur le cœur. Petit compte rendu. Justine Renaud a été éliminée, elle aussi. Elle est venue me dire ça tantôt. Oui. Toutes les personnes qu'on aime, à part Simon Fitzbé, qui est encore là, puis Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Voilà. Donc, c'est cool. Parce qu'il y avait beaucoup de monde de ces fous d'assemblage de On était quatre, ouais. Ah, quatre, juste quatre. Ben, quatre, quand même. C'est quand même possible. Oh non, il y a Maxime Pronovo aussi qui anime le cortex. Qui était là, avec les lunettes. Blatuc? Je l'ai battu. Non, Maxime Pronovo, Le Cortex, c'est les jeux du soir. Donc, ce soir, si vous écoutez en direct, c'est à 19h ou 21h. En tout cas, c'est ce soir, jeudi. Bon. Et puis, voilà. C'est ça. Puis, il est au Journal sur le Campus aussi, au sport. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on va vraiment terminer l'émission là-dessus, je pense, à un moment donné. Parce que là, ça finit plus de finir. Non, un petit dernier extrait. Extrait musical, on revient après une dernière fois. OK? Fais-moi deviner le titre. Ah, ok, ok. Fais-moi deviner le titre. Tu vas le savoir, c'est ça. Buzzer? Ah oui! Oui, vas-y. C'est Los Campesinos. T'as les feuilles devant toi, tricheur. Mais non, tu m'as bien vu. Ben oui. Tu m'as bien vu. T'es bonne, j'espère. Oui. Moi, je veux le score final avant de finir l'émission. Je peux pas finir l'émission sans le score final. Je pourrais pas. Ah! At the top deck of the 178, spitting cusses at my face, reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names. Filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame. So I set it in motion again. Thanks to cool mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up in curls. We were kissing for hours with hands in my trousers. She could not contain herself, suggest we go back to her house. Here it comes, this is the truck. She vomits down my rental tux. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. C'est By Your Hand. Ouh, que oui, c'était la position numéro 17 qu'on avait sauté précédemment dans l'émission. Ça va être la position fin. Numéro 1 au défi, c'est fou la musique. Ah, ah. Tu gagnes? Ah oui, on le gagnant. On le dit, ben oui, on le dit. On dit que t'as été éliminé, il faut le rappeler pour ceux qui suivent pas. Ok, ben, ça suit. Ok. Ne tournons pas le fer dans la plaie. Ouais. Donc, le gagnant, c'est qui? Charles-Olivier Brodeur. Du bac en enseignement. Pas en enseignement, en adaptation. On appelle ça la BAS. Abbas. Pourquoi l'adaptation scolaire s'appelle Abbas? Association du baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Beaucoup trop compliqué pour rien. Abbas. Abbas. Ben, félicitations, Charles-Olivier. Charlot. Brother. Charlot, oui. Oh, c'est mon ami. My brother. He's my brother. Donc, c'est ça. Ben, ça termine les palmarès, c'est fou sur ce gros suspense depuis le début de l'émission qu'on parle de ce carnaval étudiant. Désolé pour ceux qui n'écoutent pas le jeudi où on est en direct entre 14h et 17h. Ce qui est après nous, c'est la spirale à 18h. Ça s'en vient tantôt. On repasse les vendredis soirs à 17h et les lundis après-midi à 13h. Merci, Jasmine Raymond-Dréville. Merci, Mathieu Plante. Merci à Justine Renaud. On se retrouve la semaine prochaine. Puis, en passant, on a oublié les instants classiques aujourd'hui, mais enfin, on n'a pas eu le temps. Donc, ça va aller à lundi matin dans l'assemblage requis. C'est ça. C'est ça. Yeah. Bye. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est ça. Rien de plus à dire. On se quitte demain. Ah ouais. On claque les doigts. OK. T'as tous les cuisses. On l'entend pas.